cet homme dont on aime guère parler dans cette maison. Celui qui a la peau d'une autre couleur et qui descend dans le quartier des entrepôts de charbon où il travaille jour et nuit pour une famille de sa connaissance. Depuis que cet homme a la peau d'une autre couleur, dis-je, nous a pris sous sa protection, notre situation s'améliore de jour en jour et sous tous les rapports. Aujourd'hui, sans rien savoir de ce mariage, il a permis à notre fils Georges de s'offrir une noce comme aurait pu s'en payer le directeur d'une grosse entreprise. Cravate neuve, complet sombre, assez de whisky pour parfumer la laine et meubles neufs. N'est-ce pas étrange que cet homme puisse gagner tant d'argent en débardant du charbon? Cet argent, c'est moi qui le gagne. Oh, vous vous êtes marié comme ça, du jour au lendemain. N'était-ce pas un peu précipité, Jeanne? Quand on laisse passer les jours, où vont les neiges d'antan? Et puis on fait choix d'un homme qui n'est pas toujours le bon. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Oh, bon ou pas bon, ça n'est pas l'important. Ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher pied. Curadot, mange ton beefsteak et donne la main à la fiancée. Une bonne main. Je me sens tout à fait bien ici. Tant pis si les papiers se décollent du mur. Moi, je m'habille de neuf et je mange du filet de bœuf. Je suis couvert de mortier, d'un doigt de mortier. Et je vois un piano à queue. Accrochez donc une couronne de fleurs sur la photo de notre sœur bien-aimée, Marie Gargan, née il y a 20 ans dans la plaine. Choisissez des immortels. Sous verre. Il fait bon être assis dans cette pièce. Le souffle du vent noir ne pénètre pas jusqu'ici. Qu'as-tu, Georges? Tu as la fièvre? Oh, je me sens bien quand j'ai la fièvre, Jeanne. Je me demande sans cesse quelles sont tes intentions à mon égard, Georges. Pourquoi es-tu si pâle, mère? Sois contente, le fils prodigue de nouveau assis sous votre toit. Mais pourquoi restez-vous tous debout comme des statues de plâtre contre ce mur-là? Je crois que c'est à cause de ce combat dont tu parles. Tu crois que j'ai des mouches qui bourdonnent dans la cervelle, hein? Je peux les chasser, tu sais. Ah, mère! Offrons une tranche de viande et un verre de whisky à notre hôte, Mr. Schling de Yokohama, qui est le bienvenu. C'est que je me suis mariée ce matin. Ma chère femme, raconte. Moi et mon mari, nous sommes allés trouver le shérif, de très bonne heure, au saut du lit. Et nous lui avons dit comme ça, peut-on se marier ici? Et le shérif a dit, je te connais, Jeanne, as-tu l'intention de vivre toujours aux côtés de ton mari? Oh, mais j'ai bien vu que c'était un brave homme, avec une grande barbe. Et je lui ai dit, oh, mais vous savez, la vie n'est pas toujours comme vous l'imaginez. Je vous félicite, Garga. Vous êtes vindicatif. Monsieur le procureur, j'attire votre attention sur un malais, Schlink, négociant en bois de son état. Cet individu a poursuivi mon épouse, Jeanne Garga, de ses assiduités, et a violenté ma sœur, Marie Garga, qui était à son service, Georges Garga. La lettre écrite, je la cache au plus profond de ma poche pour pouvoir tout oublier provisoirement. Et dans 3 ans, car j'ai pris la résolution d'aller en prison, 8 jours avant ma mise en liberté, j'enverrai ce document à un journal pour que l'homme en question soit définitivement balayé de cette cité. Pour lui, le jour de ma libération sera marqué par le hurlement de ceux qui viendront le lyncher. Vous entendez les vociférations de la foule? Vrai, le quartier chinois vit des jours difficiles. Il y a 8 jours, on a découvert les crimes d'un négociant en bois malais. Il y a 3 ans, il avait envoyé un homme en prison. Et pendant 3 ans, cet homme a gardé le silence. Mais 8 jours avant sa libération, il a tout révélé, dans une lettre au procureur. Le cœur humain, tout de même. Bien entendu, le malais a mis les voiles, mais c'est un homme fichu. Il ne faut jamais dire ça de personne. Observez un peu comment les choses se passent sur notre planète. Et vous verrez qu'on n'en finit pas avec un homme en une seule fois, il faut s'y prendre des centaines de fois, au moins. Chacun a beaucoup trop de possibilités. Écoutez par exemple l'histoire de George Wishou, l'homme bulldog. Minute. Pour ça, il me faut le piano mécanique. Voici quelle fut la vie du chien George Wishou. George Wishou naquit un jour dans la verte Irlande. 1 an et demi plus tard, il s'en vint avec un gros homme à Londres, la grande cité. Sa patrie le laissa partir. Il était inconnu. À Londres, il tomba bientôt entre les mains d'une femme cruelle qui lui infligea d'odieuses tortures. Après avoir beaucoup souffert, Il se réfugia dans une région plantée de haies vives, où on le prit en chasse, on tira sur lui à coups de fusil. De longs et dangereux fusils, et des chiens étrangers se lancèrent bientôt à ses trousses. Dans l'aventure, il laissa une patte, et de ce jour-là, il se mit à boiter. Il entreprit plusieurs choses qui échouèrent toutes. Après quoi, las de vivre, et à moitié mort de faim, il trouva un gîte chez un vieillard qui accepta de partager son pain avec lui. C'est là qu'il mourut, à l'âge de 7 ans et demi, après une existence pleine de désillusions et d'aventures. Il accueillit la mort avec beaucoup de sérénité et de fermeté d'âme. On peut voir sa tombe dans le pays de Galles. Eh bien, monsieur, j'aimerais savoir comment vous feriez pour trouver rime et raison à une telle existence. À cette époque, quand je tenais l'argent entre mes mains, je sentais le regard de Dieu posé sur moi. Je me disais, j'ai fait pour lui tout ce que j'ai pu. Dieu s'est détourné. On aurait dit le murmure d'un champ de tabac sous le vent. Malgré ça, j'ai ramassé l'argent. Un billet. Un autre. Comme je déchois. Comme je sacrifie ma pureté. L'argent s'est envolé, mais les choses pour moi ne sont pas plus faciles. Assez longtemps au service de ce Schlink. Vous ne l'ignorez pas. Je dois à présent, pour m'entretenir avec elle, procéder avec la plus grande prudence, car elle a conservé au plus profond de sa détresse une certaine délicatesse de sentiment. Marie, je peux voir ton visage? Je n'ai plus de visage. Ça n'est pas moi. Oui, bien sûr. Mais je me souviens de ce que tu as dit un jour à l'église, tu devais avoir dans les 9 ans. À partir de demain, qu'ils viennent à moi. Et nous avons pensé qu'il s'agissait de Dieu. J'ai dit ça. Je t'aime encore, comme tu es, dépravé et souillé. Et même si je savais que tu le sais, que tu es prête à te laisser aller complètement, si je te dis que je t'aime encore, je te le dirai pourtant toujours. Et tu me regardes en disant ça. Tu regardes le visage que j'ai à présent. Oui. Ce visage-là. L'être humain demeure ce qu'il est même quand son visage se décompose. Chéri Flip, chéri Brandy, Gin Fizz, Golden Flipper, Manhattan Cocktail, liqueur d'orange, marasquin, et la spécialité de la maison, eggnog. Cette boisson se compose à elle seule d'œufs frais, de sucre, de cognac, de rhum de la Jamaïque et de lait. Dis donc, tu as déjà goûté à ces alcools-là ? Non. Sont à mes trousses. Vite, Dargat, venez. Vous êtes fou. Si je vous ai dénoncé, c'est pour me débarrasser de vous. Je ne suis pas un homme courageux. Trois fois, je suis mort de peur en venant ici. On dit que sur le pont de Milwaukee, la foule pend les jaunes comme du linge de couleur. Raison de plus pour faire vite. Vous savez bien qu'il faut me suivre. Nous n'avons pas encore fini tous les deux. Par malheur, vous me présentez cette requête à un mauvais moment. Je suis ici en compagnie. Voici ma sœur, Marie Dargat, qui s'est brusquement dévoyée à l'improviste il y a 3 ans en septembre. Ma femme, Jeanne Dargat, corrompu à la même époque, et tout dernièrement un homme de l'armée du salut de nom inconnu qui a été couvert de crachats et liquidé, quoiqu'il n'eût rien à voir dans cette histoire. Avant tout, pourtant, il faut mentionner le nom de ma mère, Mae Dargat, née en 1872 dans les États du Sud, disparue depuis 3 ans, disparue même de la mémoire. Elle n'a plus de visage. Son vieux visage s'est détaché, il est tombé comme une feuille morte. Quelle clameur! Ce n'est pas encore la vraie clameur! La clameur blanche! Quand on entend, c'est qu'ils sont tout prêts! Il ne restera alors 1 minute encore! Écoutez! Maintenant, oui! C'est la vraie clameur! La clameur blanche! Venez! L'isolement et la solitude infinie de l'homme font que même une inimitié devient un but inaccessible. Le bruit ininterrompu de Chicago a cessé. Pendant 7 fois 3 jours, le ciel a pâli et l'air a pris la couleur gris bleu d'un grog. Nous voici au cœur du silence qui ne dissimule plus. Il n'y aura jamais d'issue à notre combat, Georges Dargat. Jamais nous nous entendrons. Jamais. Quant à vous, vous allez vous en tirer avec dans vos poches votre vie tout court. Mieux vaut sa vie tout court que n'importe quelle autre vie. Tahiti. New York ! Je m'en irai là-bas et je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or ! Je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes de retour des pays chauds. Nager, broyer de l'herbe, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé! Parole creuse. sur une terre qui n'est même pas le centre du monde. Vous serez déjà depuis longtemps sous terre en vertu de la loi naturelle qui élimine les choses trop vieilles que je pourrais encore, moi, choisir mes distractions. C'est tout à fait banal, Shrink. C'est le plus jeune d'entre nous qui gagne. Les tonneaux puent déjà. Des bons poissons bien gras, bien séchés, bien salés, entassés dans des caisses clouées. On les avait achetés en surnombre, jetés dans des étangs. On les avait bien nourris. Des poissons qui ont le goût de la mort. Des poissons suicides, avalant les hameçons comme des hosties. Moi, Fang Yen, Dishlink, conçu et engendré à Yokohama, dans le nord de Peiyo, sous le signe de la tortue. J'ai dirigé un commerce de bois, mangé du riz. J'ai fait des affaires avec beaucoup de gens. Moi, Fang Yen, Dishlink, âgé de 50 ans. J'ai fini à 3000 au sud de Chicago. Mort sans héritier. De nouveau, je vais boire du café noir bien chaud le matin. De nouveau, je me laverai la figure à l'eau froide. Je mettrai des vêtements propres, en commençant par la chemise. Demain matin, je me peignerai la cervelle pour en chasser bien des choses. Autour de moi, il se passera des événements nouveaux au milieu d'une ville dont chaque bruit rendra un autre son. Je suis maintenant purgé de cette passion qui allait me conduire à ma perte. C'est une bonne chose d'être seul. Fini le chaos. C'était le meilleur